Hier, on a parlé avec Raphaël Lessard pour faire un peu le bilan de sa saison. Là, maintenant, on va faire un autre bilan avec un gars qui est enlevé en course Infinity, qui a connu quand même de très très belles courses, c'est Alex Labbé. Salut Alex. Salut, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Alex, évidemment, dans l'ensemble, est-ce que tu es content quand même de ta saison? On va le dire, c'était une belle saison pareil, là, parce que je reviens toujours avec les moyens que tu as. C'est incroyable ce que vous avez fait. Ah non, c'est on a fini le 14e dans les points. On faisait vraiment. C'est pas vraiment pour commencer l'année, on était même pas supposé de courir à temps plein, mais on finit dans le top 15. On est bien content, c'est mon meilleur résultat. J'avais couru à temps plein en 2018, j'avais fini 17e, là je finis 14e. Donc c'est sûr que on est quand même content. C'est sûr qu'on aurait aimé ça de bâtir un petit peu plus de momentum. Parce qu'on a eu bien de la misère à mettre 2 ou 3 semaines en ligne. C'est sûr qui est notre plus grosse lacune. Puis si on en revient en 2021, c'est là-dessus qu'il va falloir travailler. Est-ce que tu vas, justement, est-ce que tu es déjà. Ça doit être plus facile, mais c'est sûr qu'il y a la maudite COVID là, au travers de ça, là, mais ça doit être plus facile de trouver des commanditaires avec ce que tu as fait, là. Non, c'est sûr, on a bâti cette saison, comme je disais tantôt, on n'était même pas supposé courir à temps plein, puis Ouais. on s'est bâti un très bon réseau de partenaires et de commanditaires tout au long de la saison. Puis je pense que ça c'est bien encourageant pour 2021. Peut-être, je dirais que la grande majorité de tous nos partenaires qu'on a eu cette saison, ils vont leur revenir l'année prochaine. Donc c'est bien encourageant. Puis on travaille bien fort l'année prochaine. Est-ce que c'est d'augmenter un petit peu le budget, c'est d'augmenter un peu pour avoir une meilleure voiture? J'imagine que c'est ça vraiment l'objectif, là. Ah, c'est sûr, on va mettre les choses de notre côté. Si je suis capable d'aller gagner des courses, on va aller gagner des courses. C'est vraiment, on regarde vraiment les options. Qu'est-ce qu'il y en avait de nous autres? Si on retourne à temps plein, on fait moins de courses avec la meilleure équipement. On regarde vraiment toutes nos opportunités. Puis on est pas mal à 100% là-dessus dans les prochaines semaines. Qu'est-ce qui serait mieux? Qu'est-ce qui serait le mieux? Ouais, à temps plein, mais prendre ton budget et le mettre à temps plein ou moins de courses puis avoir une meilleure voiture? C'est sûr que ça dépend de l'opportunité qu'on a. Ça, on ne se cachera pas, il n'y a pas tant d'ouverture que ça, mais c'est sûr que si on fait une ouverture pour, avec mon budget, faire 8 courses dans une équipe de pointe pour avoir la chance de gagner une ou quelques courses dans ces 8 à 10 courses-là, c'est sûr que je pense que ça peut être un bon move. Si on a vu dans le passé, il y en a gros qui ont. Il y en a quelques-uns qui ont pris cette stratégie-là, ça a marché à plus long terme. Donc, je sais pas. Je dirais vraiment, ça va être vraiment de voir les opportunités qu'il y a dans les autres. Puis, qu'est-ce que mes partenaires veulent aussi? J'ai bien des partenaires qui aiment mieux s'afficher pour la saison entière que pour quelques courses, mais en même temps, c'est sûr qu'on se fait voir plus si on fait juste quelques courses, une série de points, parce qu'on va être plus souvent dans le top 5, top 7, puis on va être plus souvent à la télévision. Ça va être vraiment de voir avec mes partenaires et avec les opportunités qu'on va avoir en avant de nous. Puis là, j'imagine qu'on va avoir plus de monde l'année prochaine encore, là. J'espère qu'on va avoir plus de monde d'Incradet, ça va aider aussi, là. Oui, ah, c'est sûr. C'est sûr que ça va aider pas mal. C'est le monde des gradins, c'est le monde qu'on peut inviter dans les puits aussi. C'est ça qu'on veut. On a des nouveaux partenaires, mais ils peuvent même pas venir Ben. participer, même pas venir vivre l'expérience avec nous autres à la piste. C'est ça qui est le fun, c'est pour eux autres. Ils amènent nos commentaires, ils amènent leurs partenaires, puis ils amènent du monde qui travaille avec eux, puis ils ont une belle expérience pendant un week-end de course. Mais tu sais, présentement, on peut pas inviter personne dans les puits, fait que ça rend encore la tâche encore un petit peu plus difficile. OK. Comment ça coûte une course? Moi, ça dépend de quelle équipe ça Non, mais je veux dire, fait toi, jouer. là, exemple, je veux dire le montant pas exact, j'ai oublié de dire le montant exact, mais on parle-tu d'un 6 chiffres à peu près, une course? Non, ben où que je suis là, non. OK. On parle plus dans le coin de 20 à 25 000 la course, mais c'est sûr qu'une équipe de pointe, c'est 100 000 et plus, 125 000, c'est dans ce coin-là pour avoir vraiment de l'équipement de pointe. OK. 125 à 150 000. Justement, la déception, ça a été un petit peu cette année. Il y avait une course, là, comment ça s'appelle, le Power, où tu avais mis plus d'argent pour avoir un meilleur moteur, Ouais, puis dash for cash, ouais. Cash for Cash, puis ça, c'était. Tu avais mis plus d'argent parce que je pense qu'on doublait ton cash, c'est ça? Fait Ouais, que ça a mal été un on petit s'est peu fait cette un bonus de année-là. 100 000. Cette course-là, hein? C'est peut-être la déception de Ouais, l'année. on avait. Ouais, il y avait quelqu'un qui avait. C'était un peu connu au début de la saison. Hein. C'était le Dash for Cash. On était comme 4 pilotes qui se classaient pour avoir un bonus de 100 000 $. Hein. Ouais. Mais c'est ça, moi, j'avais. Il y avait quelqu'un qui avait défoncé un moteur en avant de moi. J'ai comme dérapé dans l'huile. On a brisé notre auto, moi. Ça avait été le fun. Puis même la télévision, c'était Fox. C'était Fox Sports qui double le salon. Il a parlé beaucoup de nous pendant la semaine et pendant la course. Ça a été une bonne visibilité pour nous. OK. Est-ce que Si on parlait un peu de tes performances, est-ce que ça t'aide vraiment? J'imagine qu'il y a du monde qui doit commencer à reconnaître que tu travailles vraiment moins, avec beaucoup moins de budget, t'as une moins bonne voiture, puis que tu as des bons résultats. Est-ce que ça commence à paraître? Est-ce qu'aux États-Unis, le nom Alex Labbé, ou c'est juste vraiment l'argent qui rentre dans le compte? Non, c'est sûr que ça apparaît au bout de la ligne. Si on ne se cache pas, si on essaie de négocier avec des grosses équipes, sont conscients que, tu sais, que je ramène des voitures rondes, je suis capable de bien performer. Parce que c'est sûr que c'est plus facile de négocier, puis tu es capable d'avoir des meilleurs prix, mais on ne se cache pas que ça prend des partenaires, ça prend des commanditaires derrière de toi quand même pour t'aider à participer même dans une équipe de pointe. On ne se cache pas que l'argent, c'est vraiment le nerf de la guerre, mais c'est sûr que ça peut faciliter les discussions, puis ça facilite la tâche un peu avec les équipes. Ben Alex, on va te souhaiter c'était une belle saison en NASCAR cette année. C'est pas mal le plaisir de te. C'est fun de voir un gars qui travaille avec beaucoup moins de budget qu'avec une grosse écurie, terminer, ramener la voiture, puis faire bonne figure avec les moyens qu'il y a. Bravo, puis au plaisir de se parler au courant de la prochaine saison. Excellent, un grand merci. Alex Au revoir. Labbé qui nous parlait de sa saison en NASCAR Infinity.